carburation. Sous sa peau flasque blindée comme un tank, il vivait sous une bombe protégée comme une banque. Durant tout son exil, il n'a fait que prière. Derrière le vieux croyant, se tenait le tortionnaire. Ne croyez plus demain, on l'a su assez tôt. Le soleil ne brille plus, à neuf le château. Entendant le vieillard, a relancé la bagarre et rempli les prisons. Nouvelle dictature, exécution sommaire. Les femmes doivent se brûler, la musique prohibée. Ils massacrent leurs frères, tout devient absurde. Sous sa peau flasque, blindé comme un tank, il vivait sous une tente, protégé comme une banque. Durant tout son exil, il n'a fait que prière. Derrière le vieux croyant, se